qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu descend sa bénédiction en abondance. Alléluia. Et je crois que tu es béni en abondance ce soir. Alléluia. Et parce que tu es béni, tu vas aussi bénir le nom de celui qui t'a béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers le trône et commencer à dire une parole merveilleuse au Seigneur? Commence à lui exprimer ton amour. Commence à lui dire qu'il est le seul Dieu de ta vie, qu'il est le puissant guerrier de ta vie. Je le glorifierai et je l'exalte, je le proclame. Faisons monter nos voix vers le trône. Sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Toujours je chanterai. Jésus ce puissant. Jésus ce nom qui sort. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Je l'exalterai. Je l'exalterai. Je le proclamerai. Je le proclamerai. Faisons monter nos voix. Faisons monter nos voix sur la terre des eaux. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Toujours je chanterai. Jésus ce nom qui sort. Jésus ce nom qui sort. Je le proclamerai. porterai ma voix. Chaque jour de ma vie, je chanterai ta louange. Chaque jour, je chanterai. Jesus.